Donc, je vais demander à Jean-François Chalaffre, à Monsieur Maud, Pierre Douillard et Olivier Vitu de me rejoindre. Jean-François Chalaffre, vous êtes musicien du groupe L'Horlange, producteur et réalisateur artistique. Monsieur Maud, vous êtes membre fondateur de CD1D, il est là, et directeur du label Jarring Effect. CD1D, donc je précise, est une fédération de labels indépendants qui a créé une plateforme de distribution physique et numérique. Il réalise des ventes en ligne équitables du producteur à l'auditeur. Il ne réalise aucun profit, reverse 85% de ses ventes aux artistes. Il est en marge de la culture business et tente d'appliquer au monde de la musique le concept de commerce équitable. Et nous l'avons déjà accueilli sur une précédente journée professionnelle il y a quelques mois. Pierre Douillard, vous êtes membre du Conseil permanent des écrivains. Le Conseil permanent des écrivains est une réunion des principales organisations d'auteurs de l'écrit et du livre. Et enfin, Olivier Vitu, vous représentez la délégation régionale de la SACEM et de la SACD. Donc, merci de réagir à ces vidéos. Et puis, je vais vous demander aux uns et aux autres, vous passez des micros dans l'ordre que vous souhaitez, de donner votre point de vue sur ce débat. Et puis, dans la foulée, on aura une discussion avec les participants qui sont ici. Alors, je vais bien commencer. Déjà, j'ai noté avec satisfaction votre souhait que les échanges soient équilibrés. Et si la présentation, si les films qu'on a vus semblent montrer un grand scepticisme sur la loi de Pi, je pense qu'il montre aussi de grandes interrogations. Et donc, il y a tout à faire pour expliquer ce qu'il en est. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir en étant un petit peu didactique, un petit peu comme ça. Presque austère, mais en rappelant quelques grandes étapes pour savoir d'où on vient à propos de cette loi de Pi, parce que tout le monde en parle, mais il y a quand même des choses qu'il faut rappeler. Ça a été dit, il y a une chute vertigineuse du marché des supports disques, DVD, etc. Bon, plus de 50% en 5 ans, donc ça a été constaté. Est-ce que le téléchargement aujourd'hui massif en est la cause, une cause ou pas du tout la cause? Personne ne peut répondre à cette question. Certains disent que les gens qui téléchargent beaucoup sont ceux qui achètent beaucoup, qui consomment beaucoup dans l'industrie des produits culturels. D'autres disent au contraire, quand on télécharge, on n'achète rien du tout, donc on contribue à assécher la culture et donc toutes les sources de la culture. Les sociétés d'auteurs qui ont été pro-loi Adepi, qui ont soutenu les développements autour de cette loi, n'ont pas non plus une vision complètement arrêtée. Parfois, il faut être un peu réducteur, un peu caricatural, mais on ne dit pas que c'est le téléchargement qui a, lui seul, entraîné les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les industries culturelles, musicales, cinématographiques et autres. Je vais faire un tout petit rappel aussi sur d'où on vient. C'était dit dans le film, des gens l'ont dit, avant il n'y avait rien, on a mis des années à réagir, cette loi elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et beaucoup trop tard. En fait, non. Bon, la propriété intellectuelle, elle existe depuis très longtemps. C'est même d'ailleurs parmi les fiertés de notre pays. Et il y a eu déjà en 2005, on s'en rappelle, une tentative alors très difficile avec la loi dite DADSI, droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. Le ministre Donnedieu de Vabre s'était d'ailleurs bien brûlé les ailes. Et cette loi, essayait de lutter contre le développement du téléchargement. Je vais essayer de ne pas parler de piratage, parce que piratage est un terme un peu guerrier. On entend parler de piratage, de riposte, de sanctions, enfin, etc. Je vais essayer d'être plus neutre et de plus équilibré que ça. Mais en tout cas, en 2005, cette loi qui normalement devait, avec de la pédagogie, rappeler que les droits d'auteur sont importants, et avec un certain volet répressif, dire il ne faut pas télécharger illégalement, a fait un flop. Les sanctions qui étaient prévues, celles du code de la propriété intellectuelle, semblaient complètement disproportionnées par rapport à ce qu'on avait du mal à considérer comme un délit, à savoir aller avec son ordinateur voir des films ou écouter des musiques. Donc quand on parlait de 3 ans de prison avec sursis, de 300 000 euros d'amende, sanctions qui ont parfois été appliquées dans cette mesure-là dans certains autres pays, ça semble quand même très exagéré par rapport au délit, même si bon, c'est quand même un délit, mais ça semblait quand même très, très fort. Donc en fait, ça a fait un flop parce que non applicable, elle n'a pas été suivie. Il n'y a eu que quelques dizaines de procès, quelques condamnations. Très souvent après, il y a eu différentes juridictions qui ont été actionnées pour que ces procès soient amendés, cassés, etc. Donc au final, il n'y a eu que quelques internautes qui ont été condamnés, souvent à une échelle très très très très réduite par rapport au montant du préjudice estimé. Alors c'est difficile d'estimer un préjudice quand quelqu'un a des milliers de films sur son ordinateur et qu'il les met à disposition du monde entier, mais enfin, en tout cas, les sommes même assez élevées qui ont été demandées en, en réparation ne représentaient pas évidemment le montant de ce manquement. Alors donc, je vous l'ai dit, hein, échec total, image catastrophique des droits d'auteur, aussi peut-être des représentants des auteurs, des créateurs. Dans les réactions très mitigées qu'on a vues, évidemment, c'est une charge. Hein. Les gens se disent, bon, ben voilà, on va nous sanctionner, on va nous punir, on va nous courir après. Donc il y a cette peur du gendarme. Le gendarme, c'est celui qui ferait appliquer les droits d'auteur. Donc image très, très catastrophique. Et bien évidemment, aucun impact sur le téléchargement, puisqu'il était massif déjà il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas calmé, puisqu'on est en France, on a eu cette spécificité-là, cocorico, d'être le pays où les échanges de fichiers non légaux, je ne parle pas de piratage, mais enfin en tout cas, où le pourcentage d'œuvres qui sont échangées sur la toile sans passer par les offres légales est le plus important au monde. Bon, on a des concurrents, hein, la Chine, la Corée du Nord, etc. On se taille la bourre sur ce sujet-là, mais enfin, on est quand même à la pointe pour ça. En France, bah, on sait que 94-95% des films qui sont vus sur Internet le sont hors les offres légales. Donc, c'est, on peut réfléchir à ça. Alors, Adopi, monsieur Pourret l'a un petit peu l'a introduit le sujet. On sait que c'est un sujet très épineux. On sait que c'est le président de la République en a fait une affaire pratiquement... sinon personnel, mais enfin en tout cas quelque chose, oui peut-être personnel, oui, et donc il tient particulièrement à cette loi. On en a beaucoup parlé dans les médias, il y a a priori un fort rejet dans la population, en tout cas chez les jeunes, ça on sait que 80-90% des jeunes qui s'expriment à ce sujet sont plutôt contre la loi Adopi, même s'ils ne connaissent pas forcément le contenu, et en plus le contenu fluctue, parce qu'encore ce matin il y a des nouveautés par rapport à hier, avant-hier, donc un rejet fort. Le principe, hein, si ça peut être rappelé, c'est effectivement une riposte au téléchargement, mais je dirais plus qu'une riposte, une réponse graduée. Alors là, je ne fais pas de la novlangue, hein, ce n'est pas pour tourner autour du pot, mais l'idée, c'est de faire de la pédagogie, de l'information, dire ce que vous faites quand on constate, et je vais revenir très vite sur comment on fait, quand on constate qu'il y a des faits de téléchargement non autorisés, donc c'est constaté, on informe les gens. On fait de la pédagogie là autour, on fait une information sur les offres légales qui existent, et à côté de ça, bah, si ça continue, il y a des sanctions qui sont prévues pour justement faire arrêter les téléchargements illégaux. On n'a pas l'illusion qu'une telle loi arrêtera les téléchargements illégaux, bien sûr que non. A priori, les sondages qui ont été faits par le SNEP il y a un an et plus dernièrement par d'autres organismes disent que une partie des internautes qui téléchargent, si cette loi est mise en place, arrêtera de télécharger. Le SNEP dit 70%, d'autres qui sont moins favorables à Adopi disent 30%. Bon, la mère de famille qui va recevoir un avertissement qui lui dit « on vous a vu, vous faites des trucs pas légaux, vous venez télécharger un film qui n'est même pas sorti en salle, c'est mal et vous n'avez pas le droit de le faire », on peut penser qu'elle va peut-être arrêter de le faire, ou sinon, si tout le monde n'arrête pas, une partie des gens arrêteront de le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas une réponse. On n'attend pas, nous, de la loi Adopi, qu'elle règle le problème du téléchargement illégal, en tout cas du téléchargement massif tel qu'il est actuellement en dehors des offres légales. Je vais accélérer un petit peu. La loi Adopi, de façon très rapide, vous en avez entendu parler, donc là on va gagner du temps. Le principe, c'est une information par mail quand quelqu'un, via son ordinateur, quand on constate que quelqu'un se livre à des activités de téléchargement hors les sites légaux, donc un avertissement par mail, puis un avertissement par courrier en recommandé. Après, on rentre un peu dans le dur, et notamment les spécialistes du droit pourront en discuter. Et ça, ça a été le point d'achoppement qu'a fait que le Conseil constitutionnel a rejeté, non pas la loi Adopi, mais cet étage-là de la fusée. Bon, 90% de la loi ont été acceptés, mais ces 10%-là, qui étaient quand même le dernier étage de la fusée, et celui peut-être le plus emblématique, a été censuré. C'est qu'on a dit une autorité administrative, donc la fameuse Adopi, qui était prévue justement pour faire envoyer les avertissements et derrière prendre les sanctions et donc de coupure de l'accès à Internet. On a dit que cette autorité administrative-là, au nom des libertés, etc., ne devait pas pouvoir prendre ces initiatives-là. Et donc, il fallait rendre au juge, et au juge seul, la faculté d'appliquer ces punitions. Alors, l'actualité très récente, parce que cette partie-là ayant été censurée, la coupure de l'accès Internet par une autorité administrative, c'est caduc. On parle maintenant donc d'un recours au juge. Le problème du recours au juge, c'est que si on saisit les tribunaux et qu'on fait à chaque fois des procédures, ça va engorger une justice qui est déjà complètement débordée. En plus, bon, vu le montant supposé des préjudices, est-ce que ça vaut le coup d'aller en justice parfois pour des choses qui sont assez dérisoires? Donc il y a l'option qui est actuellement discutée, et ça fait l'objet du vote en Conseil des ministres hier, de passer par un système d'ordonnance pénale, un petit peu complètement sur le modèle de ce qui se passe pour les infractions routières, à savoir qu'on ne va pas devant un tribunal, avec un tribunal correctionnel, avec un juge, etc., juger un délit, mais simplement, du fait de la constatation d'un manquement répété à une obligation, hop, il y a une sanction qui serait maintenant une amende, on parle d'amende jusqu'à 1500 euros, et qui serait aussi toujours la coupure d'Internet. Bon, c'est le vote du Conseil des ministres, les derniers développements, ça peut encore changer, parce qu'on a vu que depuis quelques mois, il se passe pas trois jours sans qu'il y ait des nouveautés. Je reviens très vite pour vous montrer aussi que les sociétés d'auteurs que je représente sont ouvertes. On n'est pas des bénis oui-oui, et on a bien conscience que nos papiers tombent. Et que plus sérieusement, la loi ne répondait pas à toutes les questions. Hein. Il y a de nombreux points de la loi Hadopi qui sont très discutables. On ne sait pas, évidemment, qui utilise l'ordinateur dans un foyer. Donc ça, c'est aussi prévu. Il y a des débats juridiques à ce propos-là. La responsabilité de la personne qui possède l'ordinateur et qui laisse accès à d'autres personnes, à des tiers, de pouvoir télécharger pourra être engagée. Ça, on reviendra aussi avec les juristes sur ces aspects-là en matière de responsabilité. Il y a tous les problèmes liés aux offres triple play, voire quadruple play, comme ça va être mis en place, c'est évoqué par un de vos intervenants. On peut, bien sûr, continuer à regarder la télé et téléphoner, mais avoir sa coupure Internet, mais évidemment, les fournisseurs d'accès ne sont pas du tout chauds pour coopérer pour ça. On sait aussi que la suspension de l'abonnement pour de simples téléchargements de musique est évidemment très pénalisante par rapport aux citoyens, par rapport à toutes les choses qu'on fait aujourd'hui avec Internet, où on a fait une bêtise avec la musique, un peu comme si on fait une bêtise avec la voiture. Bah, le pire, si on n'a plus son permis, on ne peut plus aller bosser. Là, on voit déjà que c'est très, très, très pénalisant. Bon, là, Internet, on fait tout sur Internet, hein, la Sécu, le Pôle emploi, etc., les examens. Enfin bon, puisque maintenant, tout se fait sur Internet, couper l'accès à Internet, ça pose des très, très gros problèmes. On a aussi tous les problèmes liés à la répartition par rapport aux infractions qui sont constatées, enfin, répartition des amendes, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ce qui a été dit aussi, je vais faire encore très vite, parce que la liste des points qui ne nous satisfont pas est très longue. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on n'était pas complètement... On aura le temps de revenir peut-être sur certains des points dans le... Alors dans très bien, alors je passe, alors je vais conclure à ce moment-là pour laisser un peu de place, beaucoup de place aux autres intervenants. La position de la SACEM aujourd'hui sur Hadopi au 25 juin 2009, c'est que c'est une avancée quand même par rapport à la période où il y avait un vide juridique, ou en tout cas où le téléchargement... de quelque matière que ce soit, était permis, admis, etc. Donc c'est une avancée, mais elle est très insuffisante. On pense, on espère que Hadopi fera baisser le nombre d'échanges non autorisés, le nombre d'échanges en dehors des sites légaux. On le pense, on en est à peu près sûr, mais de quelle proportion? 10%, 20%, 50%, on n'a pas fixé le curseur. Le gros intérêt de cette loi, plus que ces aspects-là, c'est l'aspect psychologique et même pédagogique. C'est de dire, enfin, une bonne fois pour toutes, au grand public, que la culture, une œuvre culturelle, une œuvre de l'esprit, un disque, un film, tout ça, ça a une valeur. D'ailleurs, je crois qu'on l'a sous les yeux, c'était sur la présentation sur l'écran. C'est une valeur, ça a aussi un coût. Faire un film, faire un disque, c'est un coût énorme, et qu'on ne peut pas passer outre ces aspects-là. Et à partir du principe que la culture, c'est gratuit, que l'accès à la culture, le droit à la culture fait qu'on peut s'approprier. Rappelez-vous les termes qui étaient utilisés par certains intervenants. Une jeune fille notamment disait on peut avoir des œuvres, on peut avoir de la musique, on peut avoir des... Avoir, qu'est-ce que ça veut dire? Les posséder, les voler, les emprunter, les acheter. Bon, avoir, c'est un terme un petit peu... Donc, l'aspect pédagogique, dire enfin qu'il y a une valeur à la culture. Et enfin, chose importante, et je l'ai, enfin j'espère, aussi à vos yeux, je l'ai abordé assez brièvement, par rapport à l'offre légale. Aujourd'hui, l'offre légale, donc les sites qui permettent d'écouter de la musique, qui permettent de télécharger, d'acheter de la musique, d'acheter des films, que ce soit du streaming gratuit, que ce soit du téléchargement payant, genre iTunes, etc., ou que ce soit carrément du pay-per-view, de la VOD, tous ces sites-là, on le sait, aujourd'hui, cette offre est notoirement insuffisante. Tous les gens qui aiment la musique et qui vont sur Internet pour télécharger parce qu'on ne trouve rien sur l'offre légale, on peut en partie leur donner raison. Évidemment, il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de référencements, alors que la SACEM, elle gère 34 ou 37 millions d'œuvres. Donc on ne trouve pas assez de choses. Mais nous, notre point de vue, c'est qu'en faisant baisser le piratage et surtout en portant atteinte à tous les sites qui utilisent les œuvres de l'esprit sans rémunération, ça pourra contribuer, par effet inverse, à arrêter cette concurrence déloyale par rapport à l'offre légale, faire que cette offre légale soit enfin possible. On parle de Deezer, qui est un site autorisé depuis plus d'un an par la SACEM, qui paye des droits, pour lequel on répartit des droits d'auteur. Mais le problème, c'est que Deezer, son modèle économique, il est difficile. Financement par la pub, recettes publicitaires insuffisantes, c'est en train de battre de l'aile. Alors que pourtant, ça semble une bonne idée. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux modèles économiques. Je pense qu'on aura que ça à la bouche pendant toute la journée. Des nouveaux modèles économiques à réinventer pour financer la culture. Bah, ces modèles économiques-là, ils peuvent partir aussi du fait que l'offre légale puisse s'installer et ne plus être concurrencée de façon, à mon avis, complètement déloyale par le piratage, en tout cas par le téléchargement non légal. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole. On va passer la parole à Monsieur Mou parce que d'abord merci de cet exposé, merci d'être venu exposer votre point de vue. Vous terminez sur la notion de nouveau modèle économique, donc je pense que c'est peut-être à Monsieur Mou tout de suite de donner à son tour son point de vue. Il y a tellement de choses à dire. Je vais vous demander d'être un peu bref, si possible, pour qu'on puisse avoir un petit moment d'échange. Je vais essayer de bref. Déjà, ce qui m'interpelle, c'est on parle des droits d'auteur, mais dans la musique, il n'y a pas que les auteurs-compositeurs et aussi les interprètes, il y a aussi les producteurs. Disons, tous les ayants droit qui officient dans la musique, qui créent de la musique, qui travaillent pour cela. Et quand on parle des ayants droit, donc c'est tout un secteur, toute une filière. Si on parle que des auteurs-compositeurs, il y a des rémunérations issues basé par rapport à des ventes, elles-mêmes issues des ventes de disques physiques ou numériques. Et pour moi, à l'heure actuelle, quand on voit la loi d'Apsi ou la loi Adepi, c'est l'industrie musicale qui s'interpelle en disant on a complètement foiré nos offres légales, justement. Ça aurait dû être fait depuis très longtemps qu'il y a du son de haute qualité avec un catalogue énorme qui soit mis à la disposition des internautes. En parallèle, on a laissé justement les échanges sur Internet se faire. Il n'y a pas vraiment, encore à l'heure actuelle, on n'a pas un catalogue énorme sur une offre légale sur Internet. On a surtout les catalogues des majors. Après, en tant qu'indépendant, et je dirais même en tant qu'artisan du monde de la musique, ces genres de lois nous dépassent totalement parce que d'une part, on n'y participe pas, on ne demande pas du tout notre avis. C'est vraiment l'industrie musicale qui se met en place par rapport à ça. Des syndicats comme l'UPFI qui était invité, donc il n'est pas venu, ou même des sociétés civiles comme la SPPF, qui représente les producteurs de phonogrammes français, sont non plus à notre écoute. On se demande vraiment ce qui se passe. Donc la création de cdnd.com, donc une fédération de labels pour créer notre propre plateforme, c'est géré par les labels, en faveur des labels, et donc en conséquence des artistes, où on peut mettre en ligne nos projets aussi bien en vente physique et numérique. On gère tout de A à Z, ça nous permet d'avoir des revenus plus conséquents, d'avoir des marges plus conséquentes. Car quand on parle du numérique et des offres légales, ce qui revient à la fin à un producteur et donc après coup à un artiste, à un auteur-compositeur, on parle en centimes. Et c'est bien gentil d'aller sur les offres légales, mais en termes de rémunération, c'est gagner sa vie par rapport au numérique à l'heure actuelle, c'est très difficile. Nous y sommes depuis un an et demi par rapport à iTunes et toute cette famille de sites légaux. À un moment donné, quand vous voyez que vous recevez 15 centimes pour un morceau qui a été acheté sur ce genre de plateforme, qu'un album, ça revient, des fois, vous percevez 3 ou 4 euros, la vie est quand même assez difficile. Et après, à partir de ça, nous-mêmes, nous devons établir des royautés, payer nos artistes en conséquence. Et à un moment donné, les bases de calcul sont assez faibles. Au moins, en physique, on sait de quoi on parle. On sait qu'on va presser tant de disques, on va après placer tant de disques, on parle de concret. À un moment donné, en numérique, on reçoit des fichiers, des tableurs Excel ou autres, qui font des centaines de lignes pour à chaque ligne avoir quelques centimes par-ci par-là. Faire les calculs ensuite, c'est quand même assez difficile. Et au final, vous voyez, maintenant en numérique, on raisonne en euros, tout simplement. On se dit combien on a fait d'euros au dernier trimestre, alors qu'en physique, on a vendu 5000 ou 6000 de tel album, ou que 500 de tel autre. Donc les discours sont complètement différents. Donc le souci, après on parle aussi de la rémunération par rapport à des sites de diffusion tels Deezer.com, ou à un moment donné, alors si j'ai bien compris, c'est si un morceau est écouté en entier, en streaming, il y aura 7-10 millièmes d'euros reversés à l'auteur-compositeur. Donc ça veut dire 0,0007 10 millions d'euros. Et imaginez, bah, bon, à un moment donné, si un artiste écoutait, enfin, un morceau écoutait, c'était lors de justement de la conférence de la SACEM au MIDEM en janvier dernier, 250 000 écoutes, 150 euros de revenus. Donc aller sur des systèmes dits légaux, c'est pas encore la, en tout cas pour nous petits producteurs, c'est pas du tout la, une solution qui nous permettra de vivre et donc de travailler avec nos artistes en conséquence. Les rémer, enfin, on parlait du monde un peu caché, vous allez sur un site, vous allez acheter un album à 9,99€, déjà un prix qui a été imposé par, par Apple, par un manufactureur qui a décidé de vendre des produits, donc des biens physiques. À un moment donné, il fallait l'alimenter. Il fallait justement du contenu par rapport à iPod et tout ce qui va avec. Donc à un moment donné, on utilise la musique comme un flux pour générer des profits sur d'autres choses. Et à l'heure actuelle, c'est un des grands soucis, c'est que comme Deezer, comme énormément d'autres sites, on utilise quelque chose qui est considéré comme gratuit, et après on se fait des revenus dessus. Mais après, pour partager en tant que tel vraiment l'argent qui est récolté par rapport à l'utilisation de la musique en tant que tel et à reverser par conséquent à tous les ayants droit, donc auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs et ainsi de suite, c'est pas du tout le cas. On voit à un moment donné, c'est tellement flou, le numérique, enfin, à l'heure actuelle dans le monde numérique, des fois on sait ce qu'on va payer en tant qu'internaute pour aller pour tel ou tel achat. Ensuite, derrière, comment est reversé, redistribué l'argent perçu, alors là c'est un flou assez total et les moyens de contrôle sont, on parle de virtuel, de numérique, de calcul numérique. À un moment donné, quand vous recevez un fichier numérique disant que vous avez vendu X albums, X titres de tel artiste, etc., vous êtes obligé d'avoir confiance et on peut rien. Par exemple, c'est dernier.com, c'est aussi une manière de vouloir se prendre en charge. C'est une association qu'on a créée en 2004 avec la première version de la plateforme en 2005. Donc maintenant on fait du physique, du numérique, et on prépare une version 4 qui soit beaucoup plus communautaire pour intégrer à la fois les internautes, les artistes, les labels, pour que tout le monde élève aussi d'autres professionnels, tels des médiathèques, tels des disquaires, tels des radios, afin qu'à partir de cette plateforme, tout le monde soit en lien et puisse s'échanger des informations. Au moins là on sait de quoi on parle, étant donné qu'on maîtrise notre outil, on gère ça de manière bénévole, on a réussi à créer 2-3 emplois. On a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, là, on a une vision globale du travail qu'on est en train de faire, et d'autant plus qu'on voit qu'on vend 90% de nos ventes sont encore du physique, encore à l'heure actuelle. Donc le disque n'est pas mort, et juste un petit point, on parle de la crise du disque. Ce n'est pas parce qu'un internaute a téléchargé 10 000 disques qu'il les aurait achetés. La répression en tant que telle par rapport à la loi de Pi, ça peut faire peur, mais est-ce que ça va changer? Est-ce qu'à un moment donné, la personne dira oui, j'achète plus, je télécharge plus? Est-ce qu'en conséquence, la personne va acheter des disques sur les plateformes légales ou en physique? Rien n'est gagné. Donc c'est un grand débat, et surtout le téléchargement, c'est devenu un art de vivre pour tout le monde. On peut aussi télécharger sur des sites dits non légaux des œuvres gratuites. Donc à un moment donné, télécharger, c'est pas que du piratage. On peut télécharger gratuitement. Nous-mêmes, on met à la disposition des œuvres à télécharger gratuitement. On a mis en place, pour voir aussi, par exemple par rapport à Jarring Effect, on a fait une troisième compile à télécharger gratuitement. On a mis un don PayPal pour voir si les gens accepteraient de donner 1€ pour un téléchargement d'une heure et quart de musique. Vu que les dernières compiles, on avait eu 30 000 téléchargements, on se disait si jamais chaque internaute donnait 1€, on aurait en totale utopie 30 000 euros, à partir duquel on pourrait produire d'autres artistes, remettre la musique gratuitement en ligne, les gens repéreraient 1€ et ça pourrait créer une sorte de marché. Sauf que la dernière compile, elle est encore téléchargée à 30 000 euros et on a eu 700 euros de dons en tant que tel, dont une personne déjà qui a donné 100 euros. Donc c'est encore difficile, il y a énormément de pédagogie à faire, d'information, je pense qu'aujourd'hui il y a encore pas mal de choses à dire. Merci de ce témoignage. Donc on a parlé beaucoup musique, on va parler un peu du monde des écrivains, donc je me tourne vers Pierre Douillard pour qu'il nous donne à son tour son point de vue. Oui, j'ai l'impression que la loi, depuis le débat autour de ça donne mal à la tête, il y a tant de chiffres et si peu pour les auteurs. Alors je voudrais rappeler que le Conseil permanent des écrivains, c'est une réunion d'associations dont fait partie d'ailleurs la SACEM. Entre autres, mais aussi d'autres associations. Elles ne sont donc pas liées en tant qu'association à une espèce d'avis fédérateur. C'est simplement que parfois, il est utile d'aller au-delà des métiers, musiciens ou plasticiens ou écrivains, pour résoudre des problèmes, disons, socio-professionnels de tous les auteurs. C'est arrivé à la création du Conseil permanent, lorsque, On a, c'est arrivé aussi lorsqu'on a voulu instituer le prix unique du livre pour favoriser la diffusion et le maintien des librairies partout en France et la diversité culturelle, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a peu de temps, c'est une association, enfin c'est une réunion qui se réveille pas souvent, quand il y a vraiment urgence. Récemment, le Conseil permanent aux écrivains a été remissionné par toutes les composantes, la SGDL, la SACEM, et le SNAC, effectivement, qui n'a pas pu venir personnellement aujourd'hui, pour réfléchir, entre autres, à de nouveaux rapports liés au développement absolument étonnant du numérique dans la diffusion de la culture. Pour ce qui est du CPE, on est plus particulièrement attaché à l'écrit et au livre. Et je voudrais souligner le fait que l'entreprise du Transfo est très intéressante parce qu'elle met les auteurs au centre du débat. Il y a aujourd'hui énormément de débats et de réunions et de réflexions et de travail et d'investissement autour du développement numérique. C'est vraiment une économie qui peut faire devenir riche. Et il y a pas très souvent, même rarement, les auteurs au centre du débat. Alors, ils y sont placés de manière très spéciale, quand même. Quand on voit l'affiche, ou quand on voit l'intitulé de même le micro-trottoir était témoin de ça. On semble opposer des internautes là-bas aux lèvres qui n'ont aucune envie, c'est de voler dans la poche des auteurs, et des auteurs qui, peut-être casqués, gantés, etc., comme des CRS chargés d'appliquer la LOPI, se défendraient un petit peu sur... Mais évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça s'entend. Les auteurs sont bien souvent des internautes, particulièrement l'association que je représente, qui est en fait le Calcre, puisque nous sommes membres du Conseil permanent des écrivains à ce titre-là. C'est bien souvent des écrivains, des auteurs qui ne sont pas professionnalisés, mais qui voudraient le devenir. Alors, il n'y a pas une opposition de personne, en tout cas, entre des gens qui téléchargent et des gens qui créent sur Internet. Bien souvent, c'est les mêmes. Il y a peu de chances qu'ils se retournent contre leurs amis d'avant, lorsqu'ils sont devenus auteurs, pour dire « Maintenant, ma musique, tu la paieras, je vais te faire payer, je vais t'envoyer les CRS. » Il y a peu de chances que ça soit comme ça. Mais, effectivement, il y a bien une tendance aujourd'hui à les opposer, et Adopi semble les opposer, mais elle semble seulement. Je voudrais rappeler, d'abord, le cadre, c'est qu'une loi, on a interviewé des internautes ou des producteurs qui sont spécialistes de la musique ou de leur culture, mais pas du droit. Or, on va leur demander de discuter... beaucoup de spécialistes du droit, après. On va leur demander de discuter de quelque chose qui, finalement, leur échappe un peu. La loi, elle va pas, empêcher le téléchargement par le seul fait qu'elle existe, mais va être dissuasive. C'est un peu comme la contravention. Vous savez que si vous garez mal, quoi qu'il arrive, vous aurez une prune. Et puis voilà. Donc éventuellement, ça peut calmer ou discipliner après tout le monde. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe sur DAD VSI. On l'a bien vu. Le retard des majors à tenir compte de la technologie ADSL a fait, ils ne s'en sont pas occupés, a fait qu'il y avait effectivement des petits internautes, puis il y avait des grands pirates. Ils se sont fait prendre la moitié de leur catalogue, Sony BMG, Universal, par Yahoo et par Apple, qui étaient des fournisseurs de... C'est ça qui était à craindre. C'est peut-être ça aussi qui est en question. Qui est-ce qui oppose aujourd'hui les internautes et les créateurs, et qui ne se dévoile pas en tant que tels? Bah, c'est pas le Transfo, parce que le Transfo a le mérite artistiquement ou même de poser la question, de dire voilà ce qui semble se faire, ils ont l'air de se boxer là. Et effectivement, dans les discussions qu'il y a en ce moment à la Commission de Bruxelles, effectivement, on oppose le droit des internautes à la culture, à l'accès à la culture, avec une espèce de position réactionnaire d'auteurs qui ne sont pas réputés pour être réactionnaires en tant qu'artistes, puisqu'ils sont justement là pour faire que les citoyens se posent les bonnes questions. En quoi est-ce que je suis un citoyen? En quoi est-ce que je suis humain et plus humain encore? Donc, on semble opposer le droit à l'accès à la culture aux créateurs de la culture. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on veut, c'est libéraliser le commerce et donner libre cours à toute forme d'exploitation. D'exploitation qui fera d'abord croire aux internautes qui n'auront pas à payer quelque chose, mais qui mettra une pression très grande sur les fournisseurs éventuellement des gens qui gagneront leur vie là-dessus. Et quel est un des intérêts de la loi Hadopi, c'est qu'elle met en cause tout de même, indirectement, c'est comme un coup de billard à une bande, elle met en cause les fournisseurs d'accès. Parce que ce sont eux qui éventuellement semblent opposer les intérêts des internautes et ceux des auteurs. Je voudrais citer juste dernièrement, on a vu un buzz sur Amazon, qui est, tout le monde je crois le sait, la grande librairie en ligne qui vend 330 000 livres, références, etc. Je ne sais pas s'il y a des libraires parmi nous ou s'il y a des bibliothécaires, mais enfin ça donne une idée un petit peu de la puissance de feu d'Amazon, et qui utilise ce que vous connaissez sans doute mieux que moi, c'est le phénomène du tag. C'est-à-dire que un internaute peut qualifier, mettre un petit commentaire court, une étiquette, sur tel et tel bouquin. Et là, on a vu se développer un buzz, halte au livre qui coûte trop cher. Savoir, vous savez, ce fameux, c'est pas 9,99$, c'est 9,99€. Donc, grosso modo, il fallait taguer ces bouquins qui étaient trop chers. Mais en fait, c'est Amazon qui a lancé lui-même ce buzz. Et le message était clair, c'était lancé aux éditeurs, nous n'accepterons pas, nous ne vendrons pas vos bouquins s'ils coûtent plus de 9,99€. Faites des livres pas chers. Et voilà comment on fait semblant de faire parler des internautes au nom d'une sorte de démocratie qu'ils ne revendiquent même pas, puisque ça ne viendra pas à l'idée de quelqu'un d'aller prendre dans la poche de quelqu'un qu'il estime par ailleurs comme un artiste, un poète, un écrivain ou musicien. Mais simplement, ça ménagera beaucoup plus de marge à celui qui va en faire la distribution. Et une dernière chose, je crois que effectivement, le Transfo, en tant que représentant d'une certaine manière d'une politique de la culture en région ou d'autres, est certainement un des acteurs, un des cadres de cette réflexion, puisqu'il est question de loi, de régulation des rapports. Le domaine public, l'utilisation publique des œuvres, va devenir à ce point importante, par l'intermédiaire du prêt surmultiplié que pourront faire les bibliothèques et les médiathèques, par l'intermédiaire de l'utilisation, je dirais aussi, surmultipliée que feront toutes les écoles, les formations, même l'école publique, l'éducation nationale, que véritablement, si les pouvoirs publics ne se posent pas en arbitre et en financier de cette nouvelle technologie, on aura beau chercher, on ne trouvera pas de moyens de financer tout cela. D'accord, merci pour ce point de vue et ces propositions. Je vais passer la parole maintenant à Jacques Chalafré. On tient toujours, nous, à avoir dans notre table ronde au moins un artiste, parce que c'est important de leur donner la parole, même si leur métier, c'est pas de participer à des tables rondes. Merci d'être là à toi, et puis on t'écoute pour cette dernière petite intervention avant de prendre vos questions dans la salle. Ben moi déjà, je ne me sens pas en tant que professionnel de la musique concerné par cette loi, parce que je ne suis pas produit par Pascal Nègre et ses collègues. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de pédagogie, je trouve que ça serait intéressant justement de faire de la pédagogie autour du métier de l'industrie musicale, à savoir par exemple comment est produit un disque, combien ça coûte, et savoir justement ce qui revient après un interprète ou un auteur-compositeur. Et on verrait qu'en fait, finalement, c'est pas la principale personne qui est concernée, l'artiste, qu'on oppose souvent justement aux pirates, mais j'ai pas vu beaucoup d'artistes qui s'opposaient à cette loi, à part ceux qui avaient des pressions de la part de Pascal Nègre et ses copains. Et on se rendrait compte qu'un artiste, justement, au niveau des droits d'auteur, quand on va acheter un disque à la FNAC, ou quand on le télécharge de façon légale, il n'y revient pas grand-chose, comme tu disais tout à l'heure, pour l'auteur ou pour l'artiste. Donc finalement, moi, personnellement, je vis de la musique, mais je ne suis pas téléchargé de façon outrancière, donc ça ne me gêne pas vraiment. Et je pense que de toute façon, comme c'était dit dans pas mal de témoignages au niveau, je crois que c'était pas... Je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'en fait les maisons de disques ont eu un petit peu de décalage à comprendre l'évolution de la technologie et qu'ils ont toujours été dans l'histoire depuis que ça existe. À la fin des années 20, quand même, les maisons de disques étaient pleurnichées parce que les radios qui faisaient leur apparition, diffusaient donc des œuvres et disaient « Mais comment voulez-vous que les gens qui écoutent gratuitement notre musique puissent acheter nos disques ?» Et à la fin des années 70, pareil avec l'apparition de la cassette, il y a eu quand même une baisse de 50% des disques. Parce que bon, les gens disaient « Voilà, on va copier nos... » Et puis bon, ils sont bien quand même, on refait la cerise après. Et donc là, bon, il y a une nouvelle technologie qui apparaît, donc il faut qu'ils se mettent au goût du jour. Et notamment en 2003, il y a quand même David Bowie qui expliquait que la façon d'opérer des majors, la façon de produire, de distribuer, de diffuser de la musique était complètement obsolète. Et ils ont aujourd'hui, ils se rendent compte quand même qu'il faut réagir. Et donc on veut taxer quand même les jeunes internautes qui téléchargent, mais on ne se soucie pas trop, par exemple, de MySpace qui utilise la musique des auteurs et qui non seulement la diffuse, mais en plus fait du pognon là-dessus, quoi. Et les auteurs ne sont pas payés, quoi. Donc voilà, donc avant d'embêter c'est vraiment politique cette histoire, parce que bon, c'est vrai que le président et ses copains avec les grosses industries, d'ailleurs en ce temps de crise, on a fait un petit peu on critiquait les gros patrons qui partaient avec des stock options et qui licenciaient les gens. Il faudrait faire une petite mise au point des grosses majors, comment elles le gèrent, parce que là c'est de l'ultra capitalisme. Donc venir à quelque chose d'un peu plus artistique, parce qu'on parle souvent de la culture, mais c'est plus de... Moi je me sens pas concerné, parce que c'est plus du domaine de l'industrie et moins de l'art, quoi. Ok, merci, je me faisais la réflexion en aparté que c'est toujours intéressant d'entendre la parole des artistes, parce que très souvent ils disent pas exactement la même chose, voire pas du tout la même chose que les gens qui sont censés les représenter en réalité. Donc cette parole directe, elle est toujours intéressante à recueillir, et donc merci à toi. Mais moi, à vrai dire, maintenant je m'auto-produis, donc j'ai pas besoin de passer par, comme je disais, des grosses majors. Mais d'ailleurs, au niveau de la SDRM, depuis 3-4 ans, ça a explosé le nombre d'autoproductions. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens, et puis il faut voir les studios qui ferment aussi sur Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre jour, j'écoutais le directeur d'AZ Production qui disait « Oui, vous vous rendez compte, produire un disque, ça coûte cher. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des majors qui disent que pour produire un disque, ça coûte 1 million de francs, enfin 150 000 euros. Alors que bon, c'est complètement... C'est ça, c'est les côtés un petit peu obsolètes des majors, de dire « Voilà, vous... » Démesuré. Alors que je veux pas, on peut prendre un exemple local, quoi. Cocoon, ils ont fait un album, ça coûte 15 000 euros et ça n'empêche pas d'être diffusé partout et d'avoir quelque chose de bien, quoi.